noir sur blanc dans 1 Jean chapitre 4 au verset 8. C'est écrit au verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Il y a différentes visions de Dieu. Il y a différentes compréhensions de Dieu dans notre monde. Il y a même différents « dieux » entre guillemets dans le monde. Et c'est écrit dans le psaume, je pense 49, qui dit « Je vais te louer, je vais te louer devant les « dieux » entre guillemets, les petits dieux. » Donc, en présence de tout ce qui s'appelle Dieu, je vais, moi, toi, Dieu, je vais te louer. Hein? Mon premier point, c'est Dieu et amour. Donc, Dieu, j'ai besoin de m'arrêter et de me dire, mais qui est Dieu? Et la parole de Dieu nous déclare qui il est. Et on peut avoir une vision de Dieu très rigide. On peut avoir une vision de Dieu très erronée. On peut avoir une vision de Dieu absurde. Mais on a besoin de savoir qui est Dieu. Et la Bible, la parole de Dieu nous dit que Dieu, il s'appelle l'Éternel. Il se présente une des premières fois quand il donne son nom, il dit « Je suis ». Il dit à Moïse dans Exode 3, il dit « Je suis ». Il est l'Éternel. Et ça devrait nous faire réfléchir quand on pense que Dieu est l'Éternel. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils meurent. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. Vous avez lu ça souvent, ceux qui ont lu l'Ancien Testament. Mais pourquoi c'est important, ces affirmations-là? Parce que ça nous déclare que notre Dieu en qui on croit, il est depuis toujours, toute éternité, avant que vous et moi n'existions, Dieu est. Et quand Dieu va façonner Adam avec tout ce qu'il a de lui. En fait, ce que Dieu a fait de plus extraordinaire, c'est l'humanité. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés à son image. C'est pas écrit que mes animaux ont été créés à l'image de Dieu, mais il dit que moi et vous, on a été créés à son image. Fait que pour ceux qui sont enfants de Dieu, les humains ont une place de plus grande valeur que les animaux, bien que c'est Dieu qui les a créés. Fait que quand Dieu met Adam et Ève, il les met, c'est la prunelle de ses yeux. Quand il les crée dans le jardin, quand il les place là, il leur donne tout le nécessaire pour vivre physiquement et pour vivre spirituellement. Il s'investit totalement dans Adam. Il met de lui-même dans Adam. Et Adam devient un être vivant. J'ai pas vu ça dans d'autres créatures. Et ça nous montre la valeur que l'être humain a pour Dieu. Nous, on a de la difficulté à concevoir ça des fois. Parce qu'on regarde notre prochain avec un regard des fois condescendant. Comme si nous, on l'avait l'affaire, mais pas lui ou elle. On regarde notre prochain comme étant, avec des fois, méprisant. Un regard méprisant. Ou des fois, en jugeant. Mais c'est pas comme ça que Dieu voit. Parce qu'il est Dieu. Et il va nous dire, dans les Écritures, dans Ésaïe, il va dire, « Je suis Dieu et non un homme. » Et quand il nous dit ça, le Seigneur, à plusieurs reprises, il nous ramène au fait que là où nous, on ne pardonnerait pas, lui, il est prêt à pardonner. Là où nous, on voit un désastre ou un point de non-retour, lui, il voit quelque chose à faire. Parce que c'est, il est Dieu. Et dans Jacques, c'est écrit que pour Dieu, il ne change jamais. Dans Jacques 1, il est écrit qu'il n'y a pas l'ombre d'une variation chez lui. Il est toujours le même, jamais différent. Si vous avez au verset Jacques 1, au verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a pas de changement chez Dieu. Il ne change pas. Il est l'Éternel, le même. Donc, quand vous ouvrez la Bible et vous lisez au sujet de Dieu, c'est garanti qu'il est comme ça. Quand ce que vous lisez, c'est garanti qu'il n'a pas changé. Ça devrait être rassurant. Amen. Donc, sachez, psaume 100, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Hein? D'accord? Donc, ça, ce sont des affirmations que le Seigneur fait à son sujet qui sont d'une grande importance. Maintenant, si c'est vrai que quand ce qui a de la valeur prend sa place, le reste débarque, il faut voir qu'est-ce qui a eu de la valeur pour Dieu pour que le reste débarque. Et quand je lis la Bible, ce que je vois deux choses. C'est facile, hein? Juste deux choses. Une des choses que je vois, c'est que Dieu aime l'humanité. Et l'autre chose que je vois, c'est que Dieu aime son Fils. Ce qui a une valeur inestimable pour Dieu, c'est Jésus-Christ, son Fils unique. Et en même temps, ce qui a une valeur inestimable pour Dieu, c'est les personnes qu'il a créées, l'âme de chaque personne qu'il a créée. C'est écrit dans le psaume, j'ai oublié le psaume, c'est écrit « Le rachat de leur âme » est trop cher, il n'aura pas lieu. Il n'y a pas de prix qu'un être humain peut payer pour son âme. Christian, je pense, avait apporté ça il y a quelque temps, ou Gilles, je ne me souviens plus. Mais ça nous dit que l'âme d'un être humain, la personne, a une valeur inestimable. Je ne sais pas si ça vous dit ça, mais moi, c'est ce que j'en comprends. En fait, le prix d'une personne, vous la voyez quand vous voyez Jésus-Christ sur la croix. C'est ça le prix d'une personne. Il a fallu que l'être qui a le plus de valeur dans tout l'univers, le plus grand trésor que l'univers possède, une façon de dire les choses, Jésus-Christ, c'est sa vie à lui qui a démontré la valeur de Francine, la valeur de Réjeanne, puis de chaque personne ici. Il y a une histoire que je lisais cette semaine qui m'a fait penser un peu à nous autres, mais je ne veux pas parler de nous autres, je vais parler de cette histoire. C'est un groupe de croyants, une église, quelque part aux États-Unis qui ont décidé, sont allés intentionnellement aider, rénover un bâtiment, ont changé les fenêtres, neuf, c'était un endroit délabré, sont allés aider, je me souviens plus c'est qui, un organisme quelconque, là. Peinturé, tout fait, puis quand ils arrivent le lendemain, tout a été détruit, les fenêtres, les outils qui avaient été laissés là ont été volés, et tout était à l'envers. Et là, il y avait certains parmi le groupe qui avaient fait les rénovations, qui étaient frustrés, fâchés. On va appeler la police. On va aller appeler la police parce que, dans le fond, ils méritent d'être jugés, ces gens-là, en réalité. Ils ont détruit, ils ont volé. Et on a travaillé fort pour ça. Et quelqu'un parmi le groupe dit, qu'est-ce que le Seigneur fait, lui? Et on va prier. Ils ont commencé à prier. Et un des frères a dit, regarde, notre part, pourquoi on ne va pas les aimer, ces gens-là? Pourquoi on ne va pas leur faire du bien au lieu d'aller à la police? Fait que là, il y a eu des réactions. T'es-tu fou? T'es malade ou quoi? Tu sais, c'est quoi le problème? Finalement, d'un commun accord, ils ont décidé de, ils savaient c'était qui, de leur faire du bien. En fait, ils ont invité pour des hamburgers. C'est aussi banal que ça, hein, la vie, aussi simple que ça. Et devant cette invitation à manger avec des hamburgers avec ceux qui ont les vandales, les voleurs, fait que les gars, c'est des gars, se disaient soit qu'ils sont totalement cinglés, ces gens-là, ou qu'ils ont vraiment quelque chose que j'ai besoin, tu sais, de vraiment puissant. Et avec le temps, ils ont fini par les gagner. Et c'est ça que Jésus fait. Ce que Jésus a fait, quand on lit dans les Écritures, et c'est ce qu'il fait. Quand Jésus, dans Luc chapitre 10, nous parle de la parabole du bon samaritain, comme on l'appelle pour se rappeler quelle parabole. Quand il parle de cette parabole, le Seigneur Jésus, il nous parle d'un homme qui a été blessé par des brigands. Et il a été laissé, on va dire, blessé, à moitié mort. Du moins, il est blessé, sans rien exagérer, sur le bord de la route. Et il y a trois personnes qui passent près de lui. Le premier passe, c'est un prêtre juif. Un grand prêtre, excusez. Un monseigneur, dans le langage québécois. Mais il passe, il le voit et il continue son chemin. Parce que dans le fond, il devait probablement aller au temple, puis il n'avait pas le temps hein, d'arrêter, s'occuper de quelqu'un qui est blessé à terre. Je veux dire, c'est important de s'occuper des choses de Dieu. Donc, on s'en va au temple, on va aller préparer les pains de proposition, on doit préparer peut-être l'enseignement qui allait être là. Il y avait un horaire à respecter, il était en chemin, il fallait vraiment qu'il aille là, parce que dans le fond, il n'avait pas le temps d'arrêter de s'occuper d'un gars à moitié mort à terre. Puis ensuite, il y a un Lévite qui passe, qui est un serviteur aussi du temple. Je ne sais pas s'il suivait l'autre pour aller au temple, parce que les Lévites, eux, s'occupent vraiment de tout l'aspect cérémonial. Ils s'occupent de... Ils étaient les seuls qui pouvaient approcher certaines choses. Ils étaient là au service de Dieu, après tout. Donc, s'ils sont au service de Dieu, ils avaient un horaire aussi à respecter, probablement. Ils devaient se rendre au temple en suivant peut-être son ami le souverain sacrificateur. Et il a vu cet homme-là par terre. Mais il n'a pas le temps d'arrêter, en réalité. Parce que sa religion est importante. Il y a des règles à respecter. Et ça prend du temps à s'occuper de quelqu'un blessé, puis qui saigne, puis ça prend du temps. Et là, il y a eu un Samaritain qui est passé à côté de cet homme-là. Puis les Samaritains, c'est pas des Juifs. C'est pas totalement des païens non plus. C'est un mélange d'à peu près... de croyants et de non-croyants. C'est un petit mélange de croyants et d'idolâtres. Mais ça se trouve que cet homme-là, quand il a vu celui qui est blessé, l'homme blessé, lui, il est arrêté. Il l'a vu, c'est écrit dans la parole de Dieu là, qu'il a eu compassion de lui, puis il est arrêté. Vous pouvez lire l'histoire là, textuelle dans Luc chapitre 10. Mais quand il arrête pour voir cet homme-là, je me suis dit, bon, le Samaritain, il allait peut-être, certainement, il était en voyage, il passait par là, il allait en voyage d'affaires peut-être, mais il semble que son horaire a pris le bord pendant quelques instants. Il semble que ses priorités ont changé pendant un instant. Il semble que l'homme qui était là par terre avait plus de valeur que ce qu'il allait faire. Et Dieu agissait dans son cœur. Et Jésus met en valeur cet homme-là qui est samaritain pour nous montrer que lui a bien agi envers celui qui est à terre. Mais en fait, il a pris du temps parce qu'il l'a mis sur sa monture. Il n'y avait pas d'auto à cette époque-là, fait qu'il l'a mis sur son cheval ou son âne. Et il l'a emmené à un hôtel. Et il a déboursé les frais pour lui. En fait, avant même de faire ça aussi, il a essuyé ses plaies. Il a bandé ses plaies. Ça prend du temps. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de dépanneur à proximité. Ça prend du temps. C'est long. Mais il l'a aimé. Il a eu compassion de lui. Et quand je lis cette histoire, elle m'interpelle. Elle m'interpelle pour parce que je vois Dieu à travers cet homme. Et je vois comment Dieu veut que les uns agissent à l'égard des autres. Et ça, c'est le Samaritain envers l'homme blessé. Prenons une pause un instant et allons dans l'autre parabole que vous connaissez la plupart tous, parce que je ne vois pas beaucoup de nouveaux visages. Tout le monde, vous l'avez lu au moins une fois et entendu au moins 10 fois. Luc chapitre 15. Le titre qu'on donne, c'est le fils prodigue. On ne va pas aller la lire, vous la connaissez assez bien. Le fils prodigue, c'est un des fils. Il y a deux fils. Ce papa-là avait deux fils qui travaillaient avec lui. Et un jour, un des deux fils dit à son papa, il dit, « Papa, donne-moi mon héritage, moi je veux partir. » Le papa donne son héritage et lui s'en va. Pendant que le fils qui a pris l'héritage est parti, l'autre est resté travailler avec papa. Celui qui est parti avec l'héritage, il est allé vivre la vie qu'il voulait. Il dit, « Moi je veux être libre, je vais aller vivre la vie que je veux. » Papa était triste de ça. Mais il n'a pas résisté, il a donné à son fils de l'argent et il est parti. Il a gaspillé son argent au point où il n'avait plus d'argent, au point où à un moment donné, il avait faim, il n'avait rien à manger. Il a travaillé pour un fermier, comme à Saint-Denis, on a des fermiers, et qui élevait des porcs. Lui aurait souhaité manger la nourriture des porcs. Je ne sais pas si vous mangerez la nourriture des porcs, mais lui aurait souhaité la manger parce qu'il avait tellement faim. Et il y a eu une grande famine aussi à ce moment-là. Mais Dieu était en train d'agir dans la vie de ce jeune adulte-là. Mais ce que j'aimerais focusser, ce sur quoi j'aimerais focusser, c'est le papa, un instant. Parce qu'à un moment donné, le fils, il va dire, il faut que je revienne chez mon père, j'ai péché contre Dieu et contre mon père, je vais aller lui dire ça, et je vais dire, papa, il dit, prends-moi juste comme un de tes ouvriers, je ne vaux même pas la peine d'être appelé ton fils. Juste, je veux juste être là. Il dit, j'étais bien dans le fond chez lui. Et il revient. Et son papa l'a vu de loin, c'est écrit. Et pendant qu'il l'a vu de loin, son papa, c'est drôle, hein? Il était en train de travailler probablement. Il était affairé à ses tâches journalières. Mais il a tout mis de côté. Et il a couru vers son fils. Tout le reste a débarqué. Il a couru vers son fils. Et c'est lui qui a couru. Et il a pris dans ses bras. Et vous connaissez la suite. Est-ce qu'il a eu le temps de dire quoi que ce soit, le fils? Le papa l'a pris et il a fait la fête. Il a honoré son fils qui revenait. Ça nous montre Dieu et ça nous montre l'homme animé par Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour. Fait que quand Jésus, il nous raconte l'histoire du fils prodigue, lui est assis avec des gens qui ne sont pas aimés. par les gens des alentours, particulièrement des gens qui sont religieux. C'est parce que le problème avec les gens qui sont religieux, c'est qu'ils sont pris. Ils sont pris dans leur façon de voir les choses et ils ne sont pas du tout dans la façon de voir de Dieu. Ils sont pris dans leur schéma de référence, dans leur... Il y a comme un... C'est dur à expliquer, mais il y a comme une boîte, un carcan, il y a comme une bulle autour d'eux. Tu sais, un peu comme... Je ne sais pas si quelqu'un a déjà joué au... est déjà rentré dans une bulle, tu sais, des grosses boules, là, puis tu joues au soccer là-dedans, là. Tu n'as jamais fait ça? C'est populaire ces jours-ci dans les camps de jour puis les activités d'enfants. Tu embarques littéralement dans un gros ballon transparent, puis tu avances, puis tu tournes à l'envers, puis... Mais c'est un peu comme ça. T'es dedans, tu sais. Oui, t'avances, t'es... mais t'es quand même dans un gros ballon. Et l'esprit religieux, c'est un peu ça. Ça nous garde pognés dans le gros ballon, tu sais. T'as l'air libre, mais tu l'es pas dans le fond. Parce que l'esprit, Dieu nous dit que l'homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Tu sais, tu sais pas d'où il vient, ni où il va. T'en entends le bruit. Et il y a quelque chose, moi j'aime comparer la vie avec Dieu de la vie religieuse entre le vent et un ventilateur. Un ventilateur, ça fait une job, mais le vent, c'est incomparable avec le ventilateur. C'est aussi différent l'un de l'autre que ça. Il y a un grillage en ventilateur, puis c'est fatigant la nuit, puis si ça se débranche, puis ça se rebranche, puis on contrôle. Oui, c'est sécuritaire, c'est sécure. Tu sais, on sent sécure. Je peux ajuster la vitesse, 1, 2, 3, 0. Tu sais, je le contrôle. Le vent, je le contrôle pas. C'est un peu fatigant, tu sais. Fait que, mais c'est ça la comparaison. Et quand tu passes à côté de cet homme-là, dans la parabole que Jésus raconte, ben c'est ça. Tu peux pas mettre 1, 2, 3, stop. Non, tu arrives devant un événement. Tu es soit ému de compassion, puis tu fais quelque chose au nom du Seigneur, soit que tu passes sous toi, puis tu t'en vas faire ton ouvrage. Et le Seigneur Jésus, lui, il a laissé, OK, le ciel a débarqué pour venir sur terre. Il a débarqué le ciel, il a mis de côté pour venir sur terre pour toi, pour chacun ici. Et Dieu, il dit qu'il a tellement aimé le monde. Il a aimer le monde à un point tel. C'est dur, je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots pour montrer à quel point Dieu nous a aimés. Mais c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de mots. S'il y avait des mots suffisants, Jésus ne serait pas venu. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous montrer à quel point il nous aime. Fait que c'est ça l'image qu'on doit retenir. Il donne sa vie sur la croix. Fait que le Seigneur, il dit, la Bible, la parole de Dieu nous dit, Dieu est amour. Et si vous allez faire une recherche dans la Bible, dans votre, n'importe où, là, l'outil que vous voulez, quand on dit Dieu est bon, c'est vrai, Dieu est bon. Bon, c'est un adjectif. Dieu est parfait. Parfait, c'est un adjectif qui décrit une qualité de Dieu. Ça va être écrit « Dieu est fidèle ». C'est un adjectif qui décrit la qualité, une des qualités de Dieu. Mais quand c'est écrit « Dieu est amour », on n'est plus dans les adjectifs. On est dans son identité. On est dans qui il est. On chantait tantôt, notre avocat, cet avocat s'appelle amour. C'est qui il est. Fondamentalement. Voyez-vous la différence? Et parce qu'il est amour, ses qualités sont, il est fidèle, il est bon, il est juste, il est patient, hein? Il se réjouit de la vérité, il ne fait rien de malhonnête, Dieu. Parce qu'il est amour. Fait que tantôt, Lucas va être baptisé. Et cette semaine, mon père est entré dans l'éternité avec Jésus. Dans la même semaine, deux événements, tu sais, tu oscilles entre la tristesse et la joie de part et d'autre. Mais il y a des choses que quand je pense à Lucas, qui me viennent à l'esprit, et au sujet de Dieu. Et c'est un adjectif. C'est que Dieu est patient. Dieu est patient. Il est patient et il est amour. Lucas, un jour, il vient me voir, il y a déjà presque 10 ans, le jour du baptême de Anne, pour me dire, j'aimerais ça me faire baptiser. Et suite à différents événements, etc., on va croire que c'est Dieu souverain, c'était pas le timing de Dieu. Lucas, il vient me voir dimanche passé et il me dit, Michel, je vais me faire baptiser. Il faut pas que ça traîne. C'est à peu près comme ça qu'il m'a dit ça. Moi, c'est le message que j'ai compris. Mais avec une telle détermination que je peux pas m'empêcher de louer le Seigneur. Parce que Lucas est là ce matin, puis tantôt on va le plonger au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau. Et en même temps, de l'autre côté, à mon père dans sa chambre, où Dieu nous a donné un moment, c'était mercredi, chérie, le moment de lucidité. Mercredi, en tout cas. Un moment de lucidité, d'éveil, comme je ne l'avais jamais vu depuis longtemps. Et où j'en ai profité pour juste valider avec lui sa paix. J'ai dit, papa, je dis, est-ce que tu as peur de mourir? Il dit non. J'ai dit, est-ce que t'es en paix? Oui. J'ai dit, t'es sûr que tu vas avec Jésus? Il dit oui. J'ai dit, c'est bon. Puis, mais mon père, il l'a dit, et il y a eu plusieurs témoins dans la chambre, tu sais. Il dit, j'ai pas peur, mais paisiblement. Mais avec toute la force qu'il avait, avec le peu de force qu'il avait. Donc, c'est notre consolation, en même temps notre tristesse. Et tristesse de ne pas le voir. Puis c'est correct, on a le droit, les enfants de Dieu, d'être tristes. Parce que la mort, c'est une tristesse. Il n'y a rien de beau là-dedans. Là. C'est un gain pour nous. Une fois qu'on arrive de l'autre côté, on est avec Jésus, mais en attendant, il y a de la tristesse. Mais pas sans espoir. Donc, j'aimerais juste que vous réfléchissiez à ça, peu importe qui vous êtes, que vous soyez un enfant de Dieu ou pas, et vous posez la question, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi et qui doit prendre sa place pour que le reste débarque? Parce que c'est fondamental. Parce que ça va aider dans le quotidien, dans les choix de votre vie, puis pour être efficace. Et à la base, c'est que ça va m'amener à devant Dieu par rapport à l'éternité aussi. Parce que si moi, ma vie, mon âme, ma personne, pour Dieu, j'ai autant de valeur que Jésus-Christ lui-même qui a donné sa vie sur la croix, pour me ramener avec lui, il faut que je considère ça. Il faut que je considère l'amour de Dieu envers moi. Et moi, ma prière, c'était que Dieu nous étreigne de son amour ce matin. Parce que c'est ce qu'il fait. Et c'est vraiment ma prière qu'on puisse sentir vraiment à quel point il nous aime. Parce que c'est écrit dans 1 Jean 4, verset 8, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et des fois, on a la misère avec ces passages-là parce qu'on les a entendus dans d'autres contextes. Mais c'est la même Bible. Hein? Et c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut qu'on s'en rappelle. C'est pas écrit dans ma Bible, Dieu est jugement. C'est pas écrit dans ma Bible, Dieu est accusateur. C'est pas écrit ça dans ma Bible. C'est que Dieu est amour. Il dit l'amour est de Dieu. Il dit ça. Dans le même passage. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et je sais que ça a rapport avec l'Église, avec les enfants de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Dieu a tant aimé le monde et qu'on faisait partie de ce monde. Il ne faut pas oublier ça. S'il vous plaît. Ne pas oublier. Et pendant la semaine qu'on a vécu à l'Hôtel Dieu, j'ai pu voir la main de Dieu dans plusieurs... la majorité, c'était des dames, mais il y avait un homme en particulier qui était, lui, préposé à l'entretien, d'une telle sensibilité, d'une telle douceur. Et une des infirmières nous a pris dans ses bras, tu sais, après que mon père est mort. Excuse-moi, Emmanuel. Fait que j'ai dos étalé avec Jésus. Hein? Emmanuel, il ne veut pas entendre ça, qu'il est mort. T'as raison, Emmanuel. Hein? Il me le dit souvent, Emmanuel, il est vivant. Hein? Il est vivant. Puis, fait que le Seigneur, il sait comment tendre la main, comment prendre soin. Des fois, il le fait à travers d'autres envers nous, puis des fois, il le fait à travers nous envers d'autres. Et je peux dire, cette semaine, on a goûté à tout ça, jusqu'à ce matin. Et moi, ma prière pour vous, pour nous, c'est que ceux qui sont les plus proches de vous en ce moment puissent goûter à l'amour de Dieu à travers vous. Que ce soit à l'école, avec Marilyn, où je suis sûr que Dieu l'a bénie, je sais parce qu'elle me le raconte souvent, puis c'est extraordinaire, ou que ce soit pendant les appels Skype ou FaceTime que Omar fait, que ce soit dans les soins de pied de Jacques ou Michel au gouvernement, etc., tu sais, ou même chez Rachid Dépôt. Tu sais, Dieu a mis ses enfants et il met partout ses bons samaritains. Et des fois, c'est pas physique, la douleur, c'est bien souvent pas physique dans notre contexte, à nous en tout cas, au Québec, mais la douleur est d'autant plus grande, puis il y a des plaies à panser. Fait que ma prière, c'est que l'Église puisse vraiment, vraiment, elle-même, expérimenter et goûter l'amour de Dieu de façon inaltérable. Hein, comme c'est dit dans Éphésiens, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus d'un amour inaltérable, et qui se savent aimer de cet amour-là. Que je vais laisser la parole à Christian, puis on va ensuite procéder. Lucas, tu peux aller te préparer. Les musiciens peuvent rentrer.